Mimi Pinson, profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 5. Le jour commençait à paraître quand la compagnie se sépara. Eugène, avant de rentrer chez lui, marcha quelque temps dans les rues pour respirer l'air frais du matin. Suivant toujours ses tristes pensées, il se répétait tout bas, malgré lui, la chanson de la grisette. Elle n'a qu'une robe au monde et qu'un bonnet. Est-ce possible ? Se demandait-il. La misère peut-elle être poussée à ce point, se montrer si franchement, et se railler d'elle-même ? Peut-on rire de ce qu'on manque de pain ? Le morceau de galette emporté n'était pas un indice douteux. Eugène ne pouvait s'empêcher d'en sourire, et en même temps d'être ému de pitié. Cependant, pensait-il encore, elle a pris de la galette et non du pain. Il se peut que ce soit par gourmandise. Qui sait? C'est peut-être l'enfant d'une voisine à qui elle veut rapporter un gâteau. Peut-être une portière bavarde qui raconterait qu'elle a passé la nuit dehors. Un cerbère qu'il faut apaiser. Ne regardant pas où il allait, Eugène s'était engagé par hasard dans ce dédale de petites rues qui sont derrière le carrefour Bussy et dans lesquelles une voiture passe à peine. Au moment où il allait revenir sur ses pas, une femme, enveloppée dans un mauvais peignoir, la tête nue, les cheveux en désordre, pâle et défaite, sortit d'une vieille maison. Elle semblait tellement faible qu'elle pouvait à peine marcher. Ses genoux fléchissaient. Elle s'appuyait sur les murailles et paraissait vouloir se diriger vers une porte voisine où se trouvait une boîte aux lettres pour y jeter un billet qu'elle tenait à la main. Surpris et effrayé, Eugène s'approcha d'elle et lui demanda où elle allait, ce qu'elle cherchait, et s'il pouvait l'aider. En même temps, il étendit le bras pour la soutenir, car elle était près de tomber sur une borne. Mais, sans lui répondre, elle recula avec une sorte de crainte et de fierté. Elle posa son billet sur la borne, montra du doigt la boîte, et paraissant rassembler toutes ses forces, « Là !» dit-elle seulement. Puis, continuant à se traîner au mur, elle regagna sa maison. Eugène essaya en vain de l'obliger à prendre son bras et de renouveler ses questions. Elle rentra lentement dans l'allée sombre et étroite dont elle était sortie. Eugène avait ramassé la lettre. Il fit d'abord quelques pas pour la mettre à la poste, mais il s'arrêta bientôt. Cette étrange rencontre l'avait si fort troublé et il se sentait frappé d'une sorte d'horreur mêlée d'une compassion si vive que, avant de prendre le temps de la réflexion, il rompit le cachet presque involontairement. Il lui semblait odieux et impossible de ne pas chercher, n'importe par quel moyen, à pénétrer un tel mystère. Évidemment, cette femme était mourante. Était-ce de maladie ou de faim? Ce devait être en tout cas de misère. Eugène ouvrit la lettre. Elle portait sur l'adresse. À Monsieur le Baron de Étoile. Et renfermait ce qui suit. Lisez cette lettre, monsieur, et par pitié, ne rejetez pas ma prière. Vous pouvez me sauver, et vous seul le pouvez. Croyez ce que je vous dis, sauvez-moi, et vous aurez fait une bonne action qui vous portera bonheur. Je viens de faire une cruelle maladie qui m'a ôté le peu de force et de courage que j'avais. Le mois d'août, je rentre en magasin. Mes effets sont retenus dans mon dernier logement. Et j'ai presque la certitude qu'avant samedi, je me trouverai tout à fait sans asile. J'ai si peur de mourir de faim que ce matin j'avais pris la résolution de me jeter à l'eau, car je n'ai rien pris encore depuis près de 24 heures. Lorsque je me suis souvenu de vous, un peu d'espoir m'est venu au cœur. N'est-ce pas que je ne me suis pas trompée? Monsieur, je vous en supplie à genoux. Si peu que vous ferez pour moi, me laissera respirer encore quelques jours. Moi, j'ai peur de mourir. Et puis, je n'ai que 23 ans. Je viendrai peut-être à bout, avec un peu d'aide, d'atteindre le premier du mois. Si je savais des mots pour exciter votre pitié, je vous les dirais, mais rien ne me vient à l'idée. Je ne puis que pleurer de mon impuissance, car, je le crains bien, vous ferez de ma lettre comme on fait quand on en reçoit trop souvent de pareilles. Vous la déchirerez sans penser qu'une pauvre femme est là, qui attend les heures et les minutes, avec l'espoir que vous aurez pensé qu'il serait par trop cruel de la laisser ainsi dans l'incertitude. Ce n'est pas l'idée de donner un louis, qui est si peu de chose pour vous, qui vous retiendra, j'en suis persuadée. Aussi, il me semble que rien ne vous est plus facile que de plier votre aumône dans un papier et de mettre sur l'adresse à Mademoiselle Bertin, rue de l'Éperon. J'ai changé de nom depuis que je travaille dans les magasins, car le mien est celui de ma mère. En sortant de chez vous, donnez cela à un commissaire. J'attendrai mercredi et jeudi, et je prierai avec ferveur pour que Dieu vous rende humain. Il me vient à l'idée que vous ne croyez pas à tant de misère. Mais si vous me voyiez, vous seriez convaincu. Rougette. Si Eugène avait d'abord été touché en lisant ces lignes, son étonnement redoubla, on le pense bien, lorsqu'il vit la signature. Ainsi, c'était cette même fille qui avait follement dépensé son argent en partie de plaisir et imaginé ce souper ridicule raconté par Mademoiselle Pinson. C'était elle que le malheur réduisait à cette souffrance et à une semblable prière. Tant d'imprévoyance et de folie semblait à Eugène un rêve incroyable. Mais point de doute, la signature était là. Et Mademoiselle Pinson, dans le courant de la soirée, avait également prononcé le nom de guerre de son amie Rougette, devenue Mademoiselle Bertin. Comment se trouvait-elle tout à coup abandonnée, sans secours, sans pain, presque sans asile? Que faisaient ses amis de la veille pendant qu'elle expirait peut-être dans quelque grenier de cette maison? Et qu'était-ce que cette maison même, où l'on pouvait mourir ainsi? Ce n'était pas le moment de faire des conjectures. Le plus pressé était de venir au secours de la faim. Eugène commença par entrer dans la boutique d'un restaurateur qui venait de s'ouvrir, et par acheter ce qu'il put y trouver. Cela fait, il s'achemina, suivi du garçon, vers le logis de Rougette. Mais il éprouvait de l'embarras à se présenter brusquement ainsi. L'air de fierté qu'il avait trouvé à cette pauvre fille lui faisait craindre, sinon un refus, du moins un mouvement de vanité blessée. Comment lui avouer qu'il avait lu sa lettre? Lorsqu'il fut arrivé devant la porte, « Connaissez-vous, dit-il au garçon, une jeune personne qui demeure dans cette maison et qui s'appelle Mademoiselle Bertin ?»« Oh que oui, monsieur, répondit le garçon. C'est nous qui portons habituellement chez elle. Mais si monsieur y va, ce n'est pas le jour. Actuellement, elle est à la campagne. » « Qui vous l'a dit ? » demanda Eugène. « Pardi, monsieur, c'est la portière. Mademoiselle Rougette aime à bien dîner, mais elle n'aime pas beaucoup à payer. Elle a plutôt fait de commander des poulets rôtis et des homards que rien du tout. Mais pour voir son argent, ce n'est pas une fois qu'il faut y retourner. Aussi, nous savons dans le quartier quand elle y est ou quand elle n'y est pas. » « Elle est revenue, » reprit Eugène. « Montez chez elle, laissez-lui ce que vous portez, et si elle vous doit quelque chose, ne lui demandez rien aujourd'hui. Cela me regarde, et je reviendrai. Si elle veut savoir qui lui envoie ceci, vous lui répondrez que c'est le baron de Étoile. » Sur ces mots, Eugène s'éloigna. Chemin faisant, il rajusta comme il put le cachet de la lettre et la mit à la poste. « Après tout, pensa-t-il, Rougette ne refusera pas, et si elle trouve que la réponse à son billet a été un peu prompte, elle s'en expliquera avec son baron. » Fin du chapitre 5.